Les affaires. Il ne se passe pas de semaine qu'elle ne fasse les grands titres des journaux. Et j'ai à de nombreuses reprises pensé à cette actualité récente lorsque cette semaine, M. X a évoqué devant moi une affaire qui a sans doute été l'un des plus grands scandales de la 4e République, l'affaire des piastres. Un gigantesque trafic financier entre l'Indochine française et la métropole. Une affaire qui demeure encore obscure sur bien des points, mais qui, c'est certain, a permis la constitution d'énormes fortunes à la fin des années 40 et au début des années 50. Affaires financières, politiques, et où les services secrets ont joué un rôle non négligeable. C'est pourquoi M. X a choisi de m'en parler. Mais avant d'aborder ce dossier touffu et mystérieux, je crois qu'il est bon de resituer l'affaire dans son contexte politique. En 1945, l'occupation japonaise prend fin en Indochine. Aussitôt, Ho Chi Minh, le leader du Viet Minh, un mouvement nationaliste et communiste, proclame l'indépendance du Vietnam. Le général de Gaulle envoie alors un corps expéditionnaire commandé par le général Leclerc. Des négociations s'engagent. En mars 1946, des accords sont signés. La France reconnaît la République du Vietnam comme un État libre, faisant partie de la Fédération Indochinoise de l'Union Française, un État où des troupes françaises seraient autorisées à stationner. Ces accords sont violemment combattus par les colons et les grandes sociétés qui possèdent des intérêts économiques considérables en Indochine. Leur cause est soutenue par le haut commissaire français, l'amiral d'Argentlieu. Celui-ci, en violation des accords signés avec le Viet Minh, proclame la création d'une république séparée en Cochinchine, c'est-à-dire au Sud-Vietnam. Il s'agit de faire pièce aux communistes, dont l'influence s'exerce surtout au Tonkin, c'est-à-dire au Nord. De nouvelles négociations s'engagent en septembre 1946 à Fontainebleau, en présence de Ho Chi Minh. Mais c'est l'échec, car sur le terrain, Thierry d'Argentlieu choisit la manière forte. En novembre, prenant prétexte de répondre à des incidents perpétrés par le Viet Minh, le haut-commissaire fait bombarder Haiphong par la marine. 6 000 Vietnamiens y trouvent la mort. La guerre est désormais inéluctable. Ho Chi Minh déclenche l'insurrection. C'est le début d'un conflit meurtrier qui ne se terminera, en tout cas pour la France, que 8 ans plus tard, lorsque Pierre Mendès France signera les accords de Genève qui scelleront la fin de la présence française en Indochine et l'indépendance du Nord-Vietnam. Entre-temps, en 1949, en s'appuyant sur les nationalistes les plus conservateurs, le gouvernement remettra en selle l'empereur Bao Dai qui avait abdiqué en 1945. Une tentative qui fera long feu. La corruption du personnel politique vietnamien, l'enlisement militaire sur le terrain face à une armée populaire déterminée et de mieux en mieux équipée conduiront inéluctablement à la défaite. Mais ces longues années de guerre, au cours desquelles plusieurs dizaines de milliers de soldats français trouveront la mort, auront aussi permis à certains de s'enrichir de façon scandaleuse, grâce au trafic des piastres et avec la complicité de quelques très hauts personnages. Je ne suis pas un spécialiste des questions financières, mais il faut quand même que je vous donne quelques éclaircissements. Je vous écoute. La piastre était la monnaie en vigueur en Indochine. Mm-hmm. En 1945, un décret a fixé sa parité par rapport au franc. Alors qu'elle ne valait que 10 francs, sa valeur a soudain été portée à 17 francs. Et pour quelle raison, ça? Bah ça, si vous voulez bien, nous le verrons plus tard. Mais ce qui importe de savoir, c'est que ce cours était tout à fait artificiel. En réalité, la piastre ne valait que 6 à 8 francs. Oui, mais elle valait 6 à 8 francs où? En Indochine, d'abord. Mmh. Car c'était la valeur réelle de son pouvoir d'achat. Mais aussi sur les marchés internationaux, à Hong Kong, par exemple. Mais la différence est énorme, hein? Et du simple au double. Et ça avait une conséquence particulièrement pernicieuse, car lorsqu'une personne résidant en Indochine transférait ses piastres en France, elle pouvait les échanger à leur valeur officielle. C'est-à-dire à 17 francs. Hein. Exactement. Et elle pouvait donc faire un gain de, bah oui, de 100%. Ben voilà, vous avez tout compris. Et n'importe qui pouvait le faire? Ces transferts étaient autorisés par l'Office indo-chinois d'échange pour des sommes modestes. un fonctionnaire ou un militaire qui voulait par exemple transférer sa solde en métropole. Et pour les sommes plus importantes, c'était plus compliqué. Il fallait justifier le transfert. C'est-à-dire de quelle façon? Il fallait donner une bonne raison commerciale, un achat de produits en France par exemple. Et l'office d'échange, au vu du dossier, donnait son autorisation. En tout cas, tout ça était parfaitement légal. Absolument. Enfin, en principe, du moins. Que voulez-vous dire? Il existait de nombreuses manières de contourner le règlement. Racontez alors. La plus simple, c'était d'acheter des autorisations de transfert. À des sociétés qui en disposaient. Oui, et moyennant une commission confortable. Mais quand on est certain de faire la culbute, on hésite guère. Autre système, la corruption. La corruption des fonctionnaires de l'office d'échange? Naturellement, c'était tentant, n'est-ce pas? Cet argent qu'on pouvait si facilement gagner, simplement en signant un papier. Mais enfin, tout ça, c'était des procédés de gagne petit. Le vrai trafic était autrement plus important. Le vrai trafic Oui, enfin celui qui permettait de mettre de côté des sommes considérables. Et la technique, si vous me permettez ce mot, était la suivante. Il fallait d'abord acheter des dollars à Paris. Je ne comprends pas. Pourquoi des dollars? Je vous explique. Si l'on tient compte de la vraie valeur de la piastre, un dollar vaut 350 francs à Paris, mais ne vaut que 50 piastres sur le marché noir de Saïgon. C'est-à-dire entre 300 et 400 francs. C'est cela. Donc, avec votre dollar, vous achetez 50 piastres. Mmh. 50 piastres qui, si vous les transférez en France, vont devenir, au cours officiel, 850 francs. Résultat, vous avez acheté un dollar, 350 francs, et vous obtenez en contrepartie 850 francs. C'est prodigieux, non? Non, c'est donc cela le vrai trafic. Oui, et les dollars circulent par dizaines de milliers entre la France et l'Indochine. D'accord, mais enfin, il faut quand même de nombreuses complicités. Vous avez raison. On se trouve en présence de véritables réseaux très bien organisés. Et les rouages de ce trafic sont si bien huilés qu'on estime qu'il faut à peine 3 semaines pour transformer 350 francs en 850. À une époque où on ne connaît pas Internet et où le voyage en bateau pour l'Indochine dure justement 3 semaines. Mmh. Alors, expliquez-moi exactement comment les trafiquants procédaient. Ils utilisent le téléphone et même des radios clandestines entre Hong Kong et Saïgon. Oui, mais l'argent, là, les dollars... La plupart du temps, ils n'existent pas matériellement. Le circuit s'effectue grâce à des compensations bancaires. L'organisateur du trafic remet les fonds à l'agent de change. Celui-ci achète les dollars correspondants et fait un chèque qui est encaissé sur une place du sud-est asiatique. Aussitôt, un message est envoyé à Saïgon et les piastres sont immédiatement disponibles. Oui, mais ensuite, il faut obtenir l'autorisation de transfert. Exactement, oui. Donc, une nouvelle fois, il faut disposer de complicité à l'office d'échange. Bien sûr, de complicité ou alors d'appui politique, car cet office qui dépend en principe du ministère des Finances... En France, oui. Donc, cet office qui ne regroupe qu'une poignée de fonctionnaires est très perméable à toutes les pressions politiques. Et il suffit qu'un personnage haut placé donne un coup de téléphone pour que l'office donne une autorisation. J'ajoute que pour respecter les formes, les trafiquants ont créé des sociétés de commerce fictives. Des sociétés qui vendent des produits fictifs? Oui, ou des biens dont la valeur est largement surestimée. C'est ainsi qu'on voit arriver parfois sur les quais indochinois des lots de machines défectueuses ou d'aliments périmés, enfin peu importe. Il faut d'abord sauver les apparences et donner l'illusion d'un véritable commerce entre la société mère qui se trouve en France et sa filiale indochinoise. Mais à l'époque, est-ce qu'on a une idée de l'importance de ce trafic? Oui. Les meilleurs connaisseurs de ces questions ont estimé qu'il s'élevait à 500 millions de francs par jour. Des francs de l'époque. Et ça représenterait combien aujourd'hui? À peu près 50 millions de nos francs. Calculé, 50 millions par jour, ça fait à peu près 20 milliards par an. Oui, mais alors qui paye? Qui paye quoi? La différence entre le cours officiel de la piastre et son cours réel. C'est bien entendu le contribuable français, monsieur Pénaud. Le contribuable qui permet ainsi, sans le savoir, que s'édifie sur son dos des fortunes gigantesques. Et il y a plus grave. C'est-à-dire? Pendant que ces profits considérables sont engrangés par les trafiquants, la guerre continue. Mais alors? On peut légitimement se demander si ces mêmes trafiquants n'ont pas intérêt à ce que la guerre se prolonge. Pour continuer à faire leurs petites affaires? Leurs grandes affaires, oui. Et c'est là... Où voulez en venir, vous, l'homme des services secrets? Exactement, parce que derrière toutes ces magouilles, il existait, et je pèse mes mots, quelque chose qui s'apparentait à une véritable trahison. Mon regretté confrère Lucien Bodard a publié une somme sur la guerre d'Indochine, somme récemment publiée aux éditions, republiée aux éditions Grasset. Dans ce livre, foisonnant et coloré, j'ai trouvé ceci. L'industrie de la piastre est circonscrite sur moins d'un kilomètre carré. Tout aboutit là. Les piastres des riches comme les piastres des pauvres, l'argent honnête comme l'argent malhonnête, les circuits légaux aussi bien que les circuits illégaux. Là, tout est brassé dans deux usines principales, minables d'apparence et valant chacune des milliards, des centaines de milliards. C'est dans la rue Guinmer, l'office d'échange, la pièce maîtresse, la machine à autorisation, entourée de tous côtés par le cercle des banques. C'est à moins de 100 mètres, dans la rue Lefebvre, la bourse officieuse en plein air de tous les trafics. Comme complément, au coin de la rue Guinmer et de la rue Lefebvre, les bureaux de la police judiciaire mixte chargée de la répression des fraudes économiques. Tout se fait devant cette police, mais elle ne fait peur à personne. Ainsi, la rue Lefebvre, plus que le reste de Saïgon, est hantée par l'office d'échange tout proche. C'est le marché noir de la piastre accolé à l'office d'échange. Plus loin, Lucien Bodard évoque les techniques utilisées par les trafiquants. La gamme des procédés est infinie. La technique la plus employée consiste à monter des opérations commerciales fictives. Un monsieur, parfois un personnage réputé respectable, vient demander un transfert commercial, soi-disant pour acheter en France des marchandises destinées à l'Indochine. Il apporte un dossier justificatif complet avec des factures, des attestations, des garanties. Tout est faux ou presque. Les factures ont été fabriquées, les attestations et les garanties sont de pure complaisance. En tout cas, les piastres partent en France, mais les marchandises n'arrivent jamais en Indochine ou ont une valeur infime. Et l'ancien grand reporter de citer quelques exemples de ces marchandises, films injouables, livres dépareillés, moteurs rouillés, rebuts de toutes sortes, des produits que les importateurs ne se donnent même pas la peine de revendre et qu'ils abandonnent sur des terrains vagues. Vous avez prononcé un mot très grave, trahison. C'est à dessein, je vous le répète, car de grands intérêts privés sont en jeu, et pour les représentants de ces intérêts, il importe que la guerre se poursuive le plus longtemps possible, quel qu'en soit le coût humain. C'est-à-dire les soldats du corps expéditionnaire français qui meurent là-bas. Exactement, ces types s'en foutent, seul leur profit compte. D'accord, c'est moralement condamnable, hein, c'est sûr. Mais où est la trahison? Je vais y venir. Et je vous en apporterai la preuve. Mais en attendant, on peut se demander comment ce système juteux a pu se perpétrer si longtemps, et en toute impunité. J'allais vous poser la question. Alors voyons ça de plus près. Le trafic des piastres, c'était un secret de polichinelle. Vous voulez dire que tout le monde savait? Tout le monde sait beaucoup dire, mais enfin, je vous assure que la plupart des hommes politiques français le savaient. Je veux même dire que le gouvernement, ou plutôt les gouvernements, car à l'époque il ne durait guère, encourageaient ces trafics. Oui, mais alors pour quelle raison? Des raisons politiques diverses. Je ne veux pas vous les faire un cours sur l'histoire de la guerre d'Indochine. Mais vous devez savoir qu'à l'époque, nous avions replacé sur le trône impérial Bao Dai, un souverain que nous soutenions à bout de bras. À tel point que certains parlaient d'un souverain fantoche. Oui, mais les communistes surtout. Par conséquent, nous ne pouvions que donner satisfaction à cet empereur qui était notre instrument en Indochine. Alors, l'administration française était priée de fermer les yeux sur les transferts réguliers de piastres que l'empereur et sa famille faisaient tous les mois en France. Même si, comme je vous l'ai dit, ça coûtait très cher au trésor public. Et il y avait d'autres raisons politiques? Oui, il ne fait aucun doute que certains partis ont profité du trafic des piastres pour financer leurs activités, avec la complicité des autorités françaises en place en Indochine. C'est-à-dire le haut commissariat. Bien entendu. Et enfin, et c'est le plus inquiétant, il a toujours existé au sein des gouvernements qui se sont succédés des hommes qui représentaient les intérêts privés que j'ai évoqués. Et ces hommes politiques ont fait en sorte d'étouffer toutes les tentatives visant à mettre en évidence le trafic des piastres. Avant d'examiner ce dernier point, une brève citation. En avril 1953, Jean-Jacques Servan-Schreiber écrit ceci dans le journal Le Monde. En vérité, les faits qui nous sont maintenant connus conduisent, nous semble-t-il, à admettre que tout se passe comme si un plan lucide avait été mis en œuvre point par point pour éliminer toute possibilité de négociation en Indochine, pour assurer la prolongation sans limite des hostilités et de l'occupation militaire. Vous parlez de manœuvres d'étouffement, vous avez des exemples? Bien entendu. En 1951, c'est le président de la République lui-même qui s'émeut. Oui, Vincent Auréole. Oui, il affirme avoir appris par des articles de presse l'existence du trafic. Et il envoie une lettre au président du Conseil qui était alors René Pleven. Et que lui demande-t-il? De faire immédiatement procéder à une enquête judiciaire et éventuellement de saisir le Parlement. Et même si les pouvoirs du président de la République sous la 4e n'étaient pas ceux des présidents de la 5e, cette lettre devait quand même produire son effet. Et alors que s'est-il passé? Rien. Ah bon? Pleven a mis la lettre au panier? Oui, c'est à peu près ça. Il s'est contenté de faire parvenir la demande présidentielle au commissaire français en Indochine, qui s'est empressé de ne rien faire. Quant au garde des Sceaux de l'époque, lui aussi informé par Pleven, il a ordonné une enquête. Le résultat est époustouflant. Deux journalistes, et eux seuls, vont être entendus par les enquêteurs, et en 1952, Martineau Desplats, qui a succédé à Edgar Faure, place Vendôme, décidera de classer purement et simplement l'affaire. Donc pour vous, là, il y a eu volonté d'étouffer l'affaire. C'est évident. J'ajoute que le haut commissaire en Indochine est resté plusieurs années en place. Il ne pouvait donc pas ignorer ce qui se passait. d'autant qu'au sein même de l'armée, ça commençait à bouger. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Le maréchal de Lattre, qui était le patron là-bas, a alerté à plusieurs reprises les autorités. Lui aussi savait, donc? Bien sûr, mais les politiques n'ont pas voulu l'entendre et le trafic a continué. Et la guerre aussi, avec son cortège de victimes dans les deux camps. Et vous? Vous saviez aussi dans les services, là? Naturellement. J'étais d'autant mieux placé pour savoir que j'avais fait un bref passage dans un cabinet ministériel, mais je crois vous en avoir déjà parlé. Sans me donner beaucoup de détails, hein. C'est vrai, mais c'est aussi la règle du jeu, non? Ok. Et vous êtes retourné ensuite dans les services, après Oui. Où l'on savait aussi? Tout à fait. Nos agents en place en Indochine informaient régulièrement Paris et la direction du STEC. Pourtant, ces agents de renseignement n'avaient aucune compétence particulière en matière financière. C'est juste, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit, il y avait trahison. Alors, bon, c'est peut-être quand même le moment d'être un peu plus clair. Soit. C'est vrai que le fait que des hommes politiques, des banquiers, des industriels construisaient d'énormes fortunes ne nous intéressait pas particulièrement. Après tout, dans les services, nous n'étions pas les gardiens de la morale. Mais nous nous sommes rendus compte assez vite qu'il existait autre chose. Alors quoi? Souvenez-vous de ce que je vous ai dit à propos de la technique utilisée par les trafiquants. L'astuce consistait à vendre des dollars contre des piastres. Des piastres qui étaient ensuite transférés en France au taux fort. Mais que devenaient ces dollars? Et surtout, qui les achetait? Mais je vous le demande. Eh bien, assez vite, nous avons découvert que c'était des intermédiaires liés au Viet Minh. Quand ce n'était pas directement les missions commerciales du Viet Minh installées à Bangkok, Manille ou Hong Kong. Parce que le Viet Minh avait besoin de dollars. Bien sûr. Les communistes indochinois devaient acheter des armes avec des devises fortes. Et très rapidement, ils se sont rendus compte que grâce à ce trafic, ils pouvaient se procurer à bon compte des dollars. Admettons, ben, il leur fallait payer ces dollars avec des piastres. Mais des piastres, ils en avaient. Dans les territoires qu'ils contrôlaient, d'abord au nord, mais aussi dans les autres régions, le Viet Minh avait mis au point un système rigoureux de collecte d'impôts. L'impôt révolutionnaire. Exactement. Mais autant vous dire qu'il ne faisait pas bon refuser de cracher au bassinet, parce que les collecteurs d'impôts étaient généralement armés de mitraillettes. Par conséquent, le Viet Minh disposait d'un véritable trésor de guerre en piastres. Et des piastres qu'il échangeait contre des dollars. Et avec lesquels il achetait des armes. Le trafic des piastres concourait donc directement à armer les partisans communistes qui combattaient nos soldats. Ouais. La question qui se pose est donc de savoir si les trafiquants savaient qu'en s'enrichissant, ils contribuaient à favoriser l'effort de guerre du Viet Minh. Eh bien, rassurez-vous, nous avons eu rapidement la réponse à cette question. Oui, les trafiquants savaient. Et leur complicité avec nos adversaires allait encore beaucoup plus loin. En 1953, une commission d'enquête parlementaire va enfin s'intéresser à cette affaire du trafic des piastres. Nous verrons dans quelles conditions avec M. X. J'ai sous les yeux ce rapport qui sera rédigé en 1954 par le député Mondon et ne sera publié qu'en 1955. Au chapitre 4, aide au Viet Minh, je lis ceci. Ce trafic tournant a permis non seulement à des Français, à des Vietnamiens et à des Chinois de s'enrichir, mais il a également profité à nos ennemis. Dans un rapport effectué à la suite d'une mission d'information en Indochine du 19 janvier au 20 février 1953, la sous-commission chargée de suivre et de contrôler l'emploi des crédits affectés à la défense nationale avait relevé ce fait et dans son rapport avait indiqué notamment « Ce qui est encore plus grave, c'est que le Viet Minh, qui prélève des piastres dans les zones que nous contrôlons, plus par intimidation que par dévouement, et qui en fait ouvertement le trafic à son profit, doit au taux artificiel de la piastre de pouvoir payer à l'étranger son ravitaillement en armes et en munitions. » Il est certain qu'au moins jusqu'à la fourniture massive de matériel par la Chine, le Viet Minh a utilisé cette possibilité de trafic tournant qui a pu lui être d'une aide précieuse. Il n'est pas possible d'estimer dans quelle proportion il a pu en bénéficier, mais le fait a été souligné à plusieurs reprises par des fonctionnaires ou des militaires qui connaissent bien l'Indochine et qui ont travaillé dans des services de renseignement. Les services de renseignement, retrouvons donc justement M. X. Complicité avec l'ennemi, avez-vous dit, hein? Complicité réelle ou indirecte? Complicité réelle. Les trafiquants, les plus gros en tout cas, savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils trafiquaient en toute connaissance de cause. Mais dans quel but alors? Leur objectif était double. D'une part, ils gagnaient beaucoup d'argent grâce à ce trafic. D'autre part, en aidant nos adversaires à s'armer, ils faisaient en sorte de prolonger la guerre et donc leur propre magouille. J'ajoute que c'était aussi les mêmes qui, la main sur le cœur, rendaient hommage au courage des soldats du corps expéditionnaire. Mais c'est ignoble. Ignoble, oui. Il n'y a pas d'autre mot. Car leur fortune se construisait sur la tombe de nos soldats. Mais vous, vous saviez, d'une certaine façon, vous laissiez faire. Non, non, informé par nos agents en Indochine, les services n'ont pas cessé d'alerter les pouvoirs publics. Oui, mais en vain, si je vous ai bien compris. Ça, c'est juste, oui. Alors, puisque personne ne voulait nous écouter, nous avons décidé de frapper un grand coup. Ouais, c'est-à-dire ? L'un de nos informateurs était un jeune employé de l'office d'échange, un certain Jacques Despeche. Un type honnête qui ne supportait plus les malversations dont il était le témoin involontaire jour après jour et qui avait mis de côté de nombreux documents accablants. Alors, nous avons pris la décision de lui donner un coup de main. Le résultat, ça a été la publication d'un livre qui a révélé l'essentiel du trafic des piastres. Un livre qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le landerneau politique. Vous êtes donc servi d'aiguille. Oui, mais c'était pour la bonne cause. Il fallait que cessent toutes ces saloperies. Et quel a été le résultat de cette publication, là ? Devant l'ampleur du scandale, le gouvernement français a été obligé de réagir. Une commission d'enquête parlementaire a été mise en place et la piastre a été dévaluée. De 17 francs, elle est passée à 10 francs. Ouais, ce qui était encore au-dessus de sa valeur réelle. Ouais, enfin, ça a diminué quand même l'intérêt du trafic, parce qu'il faut aussi prendre en compte les commissions que les trafiquants étaient obligés de verser aux divers intermédiaires. Ouais. Toutefois, l'essentiel n'est pas là. Ce qui importe, c'est que les principaux acteurs du trafic ont pu être montrés du doigt. Ouais, alors qui ? Plusieurs personnalités ont été mises en cause. Des hauts fonctionnaires, des hommes politiques, mais enfin, surtout, on a pu mettre en lumière l'existence d'une véritable pieuvre. Une pieuvre, que voulez-vous dire ? Une banque. Une banque extrêmement puissante qui avait des intérêts dans tous les secteurs d'activité et qui faisait la pluie et le beau temps en Indochine. Une banque française en Indochine ? Oui, une banque qui a longtemps joui du privilège d'émettre la monnaie dans nos colonies. Un privilège considérable. Mais quel rôle exact a joué cette banque ? Cet organisme a toujours entretenu des rapports très étroits avec les hommes au pouvoir. Avant-guerre, par exemple, son directeur, Paul Baudouin, est un proche du président du Conseil, Paul Reynaud. Baudouin qui va devenir plus tard ministre de Pétain. Ministre des Affaires étrangères, oui. Et pendant la guerre, que devient cette banque ? L'Indochine est alors occupée par les Japonais, comme vous le savez. Eh bien, la banque s'accommode très bien de cette occupation et entretient des rapports d'affaires très fructueux avec les Japonais. Comme d'autres le font en France avec les Allemands. Tout à fait. Alors, à la libération, son administrateur connaît quelques difficultés. Qui est-ce Bon, oublions son nom, si vous voulez bien, même si nous allons beaucoup parler de lui. Mais pour quelle raison Cet homme a sans doute une famille. Inutile de la mettre dans l'embarras. Ouais. Comme vous voulez. Donc, cet homme a des difficultés très sérieuses car il a été arrêté par les Américains et ceux-ci menacent de le fusiller. Mais par le plus grand des hasards, un ministre qu'il a connu avant-guerre et qui lui a choisi le bon camp lui vient en aide et le fait sortir de prison. Avec quels arguments ? Ce ministre lui procure des certificats de complaisance qui attestent que l'administrateur de la banque a été en réalité un résistant. Et voilà notre homme libéré avec les honneurs. Et qui retrouve son poste à la banque. Ah bah naturellement. Ouais. Écoutez bien, il obtiendra en 1945 de faire signer par le ministre des Finances, René Pleven, le fameux décret sur le cours de la piastre. Ah, la parité à 17 francs. Oui, et toujours avec l'aide de ce ministre influent dont la famille possède d'ailleurs de nombreux intérêts dans le sud-est asiatique. Enfin, ce n'est pas tout. En 1946, lorsque Français et délégué du Viet Minh discutent à Fontainebleau, cet homme mène une intense action de lobbying. Dans quel but ? Faire échouer les négociations ? Bien entendu. Et c'est d'autant plus facile que le chef de la délégation française est un ancien directeur d'une filiale de la banque. Vous voyez que le monde est tout petit. La banque s'est toujours débrouillée pour que les siens soient placés aux postes les plus sensibles, là où on peut prendre des décisions importantes, là où les intérêts de la banque peuvent être favorisés. Ouais, exemple ? Bon, écoutez, je n'en donnerai qu'un seul. Lorsque la banque cesse d'avoir le privilège d'émettre de la monnaie en Indochine, le gouvernement crée un institut d'émission. Et qui est placé à sa tête ? Un dirigeant de la banque, M. Cousin. J'ajoute que la banque sait aussi reconnaître ses vrais amis. Il est difficile d'oublier qu'un de ses principaux dirigeants pendant la période dont nous parlons a été M. René Bousquet. Bousquet, l'ancien secrétaire général de la police sous Pétain. Lui-même, ouais. Après avoir été blanchi lui aussi dans des circonstances douteuses, ce haut fonctionnaire a fait une remarquable carrière d'homme d'affaires et il a multiplié les jetons de présence dans les conseils d'administration jusqu'au jour où le scandale l'a rattrapé. Très tardivement d'ailleurs. Cet homme dont vous ne voulez pas donner le nom, hein, a donc eu un rôle essentiel dans le trafic des piastres. Tout à fait. Et c'est son établissement qui a orchestré le trafic et qui en a tiré les plus grands profits. Et qui a donc participé à cette trahison que vous avez évoquée. Oui, et les preuves existent. En 1950, à propos d'une autre affaire, une perquisition est menée dans les locaux de l'établissement et la police découvre dans le coffre-fort d'un des principaux dirigeants des documents très compromettants. Et lesquels ? Quel genre ? Des documents faisant état de trafic d'armes et d'accords secrets passés avec Mao. Donc avec la Chine communiste ? Oui, la Chine qui, dès la prise du pouvoir par Mao, va être le principal fournisseur d'armes du Viet Minh. C'est surprenant, non ? Ouais. Mais est-ce que tout ça là, aura des conséquences judiciaires ? Vous plaisantez ? Aucune poursuite n'est engagée sous le prétexte que ces fameux documents étaient étrangers à l'affaire qui avait justifié la perquisition. Et pourtant, ces papiers prouvaient qu'un des principaux établissements bancaires français se livrait à des trafics passibles pour ses dirigeants d'une inculpation pour trahison. Je vais vous donner enfin une deuxième preuve accablante. Je vous écoute, hein. Le directeur d'une filiale de la banque à Saigon n'était autre que le trésorier officieux du Viet Minh. Et nous, dans les services, nous le savions parfaitement. Oui, mais est-ce que l'apparition du livre de ce despèche là que vous avez aidé, a permis réellement de nettoyer les écuries d'Augias? Oui et non. Elle a mis fin au trafic des pièces, ça c'est certain, mais les véritables responsables ont échappé à la justice. Seuls quelques comparses ont été rattrapés et punis. Mm-hmm. Et ce dirigeant de la banque dont vous ne voulez pas donner le nom, hein? Ben écoutez, à peu près au moment où Despeche est arrivé en France, venant d'Indochine, et où on a commencé à parler des documents qu'il détenait, cet administrateur est mort. Mais de quelle façon? Ben une maladie très subite et très courte. Mais ce qui signifie? Ben que l'homme devenait sans doute gênant. Il en savait trop, on a parlé de suicide. Enfin, vous savez bien ce que ce mot recouvre parfois. J'ajoute que la véritable victime de cette affaire, c'est paradoxalement Jacques Despeche. Despeche qu'on a menacé, traîné en diffamation devant les tribunaux, alors que tout ce qu'il racontait dans son livre était absolument vrai. Et encore une fois, nous étions les mieux placés pour le savoir. Despeche menacé. Il l'écrit lui-même dans son livre, je le cite. Un jour, où il a rendez-vous avec l'un des nombreux hommes politiques qu'il essaie d'alerter sur le trafic des piastres, trois hommes l'abordent. L'essentiel de l'entretien se déroule sur le trottoir. On a appris, qui, cela n'a aucune importance, que j'avais soi-disant des documents sur le trafic des piastres. Si c'est vrai, je devrais brûler tout cela, qui ne peut m'attirer que des ennuis, ou remettre les documents à des gens compétents. Le livre que je prépare n'intéressera personne ou ne paraîtra pas. Aucun éditeur ne pourra le publier. Vous savez bien comment ça se passe. Tous les éditeurs sont plus ou moins de la police. Comme je hausse les épaules et fais mine de partir, le plus âgé, Gabardine et Rosette à la boutonnière, me retient amicalement. Écoutez-moi, si vous tenez à faire un livre, faites-le, mais pas de nom. Cette affaire vous dépasse, vous êtes le pot de terre contre le pot de fer, vous êtes seul et certainement honnête. Vous n'avez aucune chance, vous allez vous retrouver dans un asile de fous, avoir un accident. Vous avez une gentille femme, très jeune. Vous ne voudriez pas qu'il lui arrive quelque chose. J'ai déjà cité le rapport parlementaire rédigé par le député Mondon en 1954. J'en extrais ces quelques lignes qui confirment l'une des dernières affirmations de M. X. Il est également apparu à la commission que la banque franco-chinoise devrait aussi faire l'objet d'une enquête. En effet, il a été porté à sa connaissance que cette banque avait actuellement comme directeur à Saïgon un certain Michel Van Vie, dont il a été plusieurs fois question à l'occasion de transferts frauduleux, notamment dans l'affaire Monasterio. Une note de l'Office indochinois d'échange, dont nous avons la photocopie, démontre que Van Vie serait l'un des membres directeurs du groupe vietnamien des trafiquants, plus spécialement chargé des tractations avec le Viet Minh. Il est donc surprenant que la banque franco-chinoise ait nommé directeur à Saïgon un homme plus ou moins douteux sur qui des renseignements assez mauvais avaient été fournis. À samedi prochain, je vous rappelle notre adresse internet www.franceinter.com.